dong la va satta sampatti, it is difficult to have complete satta or unshakable satta in the Buddha Dhamma Sangha. Le Bouddha nous dit, il est difficile d'avoir la confiance parfaite, la confiance, la sadda complète, inébranlable. Il est difficile d'avoir la sadda inébranlable dans le Bouddha, dans le Dhamma et dans la Sangha. Le Bouddha, c'est la personne qui possède 9 qualités. Le Dhamma en possède 6. La Sangha en possède 9. La personne qui a donc une sadda inébranlable n'a plus aucun doute. Elle a expérimenté, avec les vues justes, le corps et l'esprit. Elle sait qu'elle y est arrivée par la pratique de sila, de samadhi et de panya. Et elle ne croit plus en l'efficacité des rites et des cérémonies pour atteindre la libération. Cette personne a expérimenté avec les vues justes. Quelqu'un qui donc possède une sadda complète, inébranlable, est en fait un sotapanna. C'est pourquoi il est très difficile d'obtenir la sadda complète. Même si nous n'avons pas encore atteint le fruit du sotapanna, nous pouvons développer notre sadda par la pratique. Au début, lorsque nous rendons hommage au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha, nous ne savons pas pourquoi. Nous nous inclinons et nous récitons Bouddham Pujimi, Dhammam Pujimi, Sangham Pujimi. Nous rendons hommage au Bouddha, à son enseignement, à ses nobles disciples. Mais nous ne savons pas très bien pourquoi. La seule chose que nous faisons alors, c'est accumuler des actions méritoires. Cette première forme de foi, de confiance, c'est la confiance, la dévotion simple, pasada sada. Dans notre société, il n'est pas facile de s'incliner, de rendre hommage, à cause de l'orgueil, mana. Si donc on s'incline, on rend hommage, cela veut dire qu'on respecte cette personne et qu'on diminue son orgueil. Si on pratique souvent les prosternations et qu'on s'incline devant le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, on reprendra naissance dans des plans de Deva. Ce n'est pas seulement le fait de s'incliner, de rendre hommage au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha qui est une action méritoire. Il y en a d'autres, comme par exemple le service aux yogis, le fait de respecter les préceptes moraux, la générosité. Tout cela, ce sont également des actions méritoires. Ce n'est pas si facile que cela de le faire si on n'a pas la foi, car on ne comprend pas les bénéfices de ces actions méritoires. S'incliner donc de cette façon, sans comprendre pourquoi on le fait, c'est pasada sadda, la dévotion simple. Si nous étudions les Écritures ou que nous écoutons des enseignements, nous comprendrons mieux en quoi consistent le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Nous comprendrons la signification de ces choses. Notre compréhension va s'élargir, va devenir plus claire. Si nous comprenons clairement, la confiance également va devenir plus forte. Ce deuxième type de confiance qui s'accompagne donc de compréhension, c'est okapana sadda, une confiance accompagnée de compréhension. Okapana sadda, la confiance qui s'accompagne de compréhension, est plus forte que pasada sadda, la simple dévotion, tout simplement parce qu'elle s'accompagne de compréhension claire. Quant à la troisième forme de confiance, adhikama sadda, elle procède de la pratique elle-même. C'est une confiance inébranlable. La personne qui détient ce troisième type de confiance n'a plus aucun doute. Elle est entièrement confiante dans le Bouddha, dans le Dhamma et dans la Sangha. Personne ne peut lui enlever cette confiance. Elle s'acquiert lorsqu'il atteint le premier stade d'illumination. Au premier stade d'illumination, la personne a donc éliminé les vues fausses, le doute et la croyance en les pratiques incorrectes. Du temps du Bouddha, il y avait un lépreux qui eut la chance d'entendre un de ses enseignements. Il écoutait attentivement et désirait comprendre l'enseignement du Bouddha. Alors qu'il écoutait, il réalisa les trois caractéristiques du corps et de l'esprit, et atteint ainsi le fruit du sotapanna. Le roi des Devas, Sakadeva Raja, voulut tester cet homme, voulut tester sa confiance. Il se transforma en Bouddha, prit la forme du Bouddha, se présenta devant le lépreux et lui dit, se faisant donc passer pour le Bouddha, il dit au lépreux, « J'ai fait une erreur dans mon enseignement. J'ai parlé de Anicca, Dukkha et Anatta, l'impermanence, la souffrance et le non-soi, mais en réalité, tout est Nicca, permanent, tout est Sukha, agréable et tout est Atta, substantiel. » Mais le lépreux comprit qu'il ne s'agissait pas du Bouddha, que ce n'était pas vraiment le Bouddha. Cette histoire illustre le fait que la confiance, lorsqu'elle devient inébranlable, ne peut pas être perdue. Le lépreux réalisa donc qu'il ne s'agissait pas du Bouddha. Sakadeva Raja l'admit et lui dit qu'il avait simplement voulu tester sa foi. Lorsque donc le yogi atteint l'illumination, sa foi devient complète. Sa foi en le Bouddha, le Dhamma et la Sangha est inébranlable. Donc tous les matins, nous récitons les neuf qualités du Bouddha, iti piso. Par respect pour le Bouddha, récitons maintenant ensemble ces neuf qualités. Iti pi, iti pi, so together. Iti pi so bhagava arahang sama sambodho vijja jarana sampanno sukhato loka vidu anuttaro purisa dhamma saraji satta deva manusanam bodho bhagava swakhato bhagavata dhammo sandejiko akaliko ehipasiko opaneiko pajadam vididako venyuhi sopadipanno bhagavato savaka sangho ujopadipanno bhagavato savaka sangho nyayapadipanno bhagavato savaka sangho sammicchapadipanno bhagavato Savakasango Yadidam Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Bhogala Isa Bhagavato Savakasango Ahuneyo Pahuneyo Dekhineyo Anjali karaniyo anodaram punyakitam lokasa sadhu sadhu sadhu. Donc c'est très bien. Demain, je ne devrai plus diriger la récitation. Nous allons tous réciter ensemble. Ainsi, le yogi qui a atteint l'illumination a une foi complète dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Dans la vie, parfois, il pourrait avoir certains doutes à propos de l'une ou l'autre personne, mais sa foi dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha est inébranlable. Le terme Sammasambuddho se décompose en trois parties. Samma veut dire illumination complète, quelqu'un qui sait tout. Sam veut dire par soi-même, réellement, à fond. Un Sammasambuddha, c'est donc quelqu'un qui a réalisé tout par lui-même. Lorsqu'on pratique les quatre établissements de l'attention, en suivant les instructions du Bouddha, qu'on note tout ce qui se manifeste à chaque instant, la confiance va progressivement se développer. Plus on développe l'attention, plus cette confiance grandit. On note tout, l'esprit devient très clair. On réalise nama et rupa, on réalise les causes et les effets, on réalise les apparitions et disparitions. Toutes ces réalisations vont avoir pour effet que Sadda va encore se développer. En général, lorsque Sadda devient forte, le méditant ressent de la gratitude pour le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Ce sentiment de gratitude apparaît naturellement associé à Sadda. Vous n'avez peut-être pas encore atteint l'illumination, mais lorsque vous réussissez à voir réellement les apparitions et disparitions, cela veut dire que votre attention est très forte, que votre compréhension est très forte également. Vous allez alors tout naturellement éprouver de la gratitude, de la joie, parce que vous avez expérimenté. Votre esprit était très calme, ceci concerne la concentration, samadhi, mais il était également capable de comprendre très clairement. Vous avez vu très clairement les apparitions et disparitions. Vous allez donc expérimenter par vous-même dans votre propre pratique. La pratique, c'est Jhana en pali. Lorsque Jhana sera devenue forte, parfaite, vous atteindrez l'illumination. Et vous pourrez ainsi juger par vous-même, puisque vous aurez expérimenté. Quels sont les bénéfices du premier stade d'illumination? Lorsque vous aurez atteint le premier stade d'illumination, vous aurez mis fin au cycle des renaissances. Mais vous n'aurez pas encore mis fin au cycle des renaissances de façon parfaite. Il vous restera encore cette vie au maximum. Mais vous ne reprendrez plus jamais naissance dans les apayas, les mondes inférieurs. Au moment où vous atteignez le premier stade d'illumination, vous éliminez trois des entraves, trois samyojana, sakayaditi, visikicha et silapada paramata. Silapada paramata, ce sont les pratiques incorrectes. Donc, ces pratiques incorrectes, c'est par exemple croire qu'il faut se comporter comme un taureau, comme un chien, rendre hommage aux montagnes, aux rivières, regarder la lune. Il y en a beaucoup. Le sotapanna ne peut donc éliminer que trois samyojana. Les sept autres samyojana, il ne peut pas les éliminer. Par exemple, kamaraga, le plaisir sensuel. Un putujana, un être ordinaire, se complaît encore dans le monde des plaisirs sensuels. Il aime les plaisirs sensuels. Mais pour le sotapanna, cet attachement aux plaisirs sensuels sera moins fort. Même vous, les yogis qui pratiquent, au moment où ils sont très attentifs, le désir pour les plaisirs sensuels se manifeste de façon beaucoup moins fréquente. Tout simplement parce qu'ils sont attentifs et qu'il n'y a pas de place dans leur esprit pour ces choses. Il n'y a pas que le désir qui ne se manifeste pas dans l'esprit du yogi. La colère non plus ne va pas se manifester très fréquemment, tout simplement parce que son attention est forte. Le yogi est capable de noter tous les états d'esprit. Au début, ce n'est pas facile, car ces états d'esprit sont souvent très puissants. Mais après quelque temps, l'attention se développe et le yogi devient capable de noter, et au moment précis où il note cet état d'esprit, il le voit disparaître. Parfois, l'état d'esprit ne disparaîtra pas tout de suite, mais après quelques moments. Si la colère reste dans son esprit, le yogi doit comprendre que c'est parce que sa pratique n'est pas encore assez développée, que son attention n'est pas assez forte. Il doit donc continuer à développer son attention et tôt ou tard, il réussira à le voir disparaître. Kama Raga Samyujana, l'entrave du désir sensuel. C'est le désir de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher et de penser. Quand vous pratiquez la méditation, il se peut que subitement, votre esprit s'envole vers votre famille par exemple. Vous commencez à vous poser des questions. Que suis-je venu faire ici? Est-ce utile d'observer les mouvements de l'abdomen? Moi-même, parfois, je me mets à penser à mon monastère en Australie. Mes dévots se rendent-ils au monastère? Comment cela se passe-t-il là-bas? Il est possible également que subitement, une personne vous revienne en mémoire. Cette personne, si vous ne l'aimez pas, va faire surgir la colère. Si vous l'aimez, c'est l'attachement qui va apparaître. Parfois, à table, vous n'aurez pas la nourriture que vous aimez, et c'est la colère qui va apparaître. Parfois, vous aurez une nourriture que vous aimez, et c'est le désir, l'attachement. Donc tout cela, c'est Kama Raga Samyojana. Parfois, quand on pratique, subitement l'esprit se met en colère, sans raison. On ne sait pas pourquoi on est fâché. Est-ce le temps? Est-ce l'environnement? Ce type d'état d'esprit est appelé patiga. C'est une émotion très grossière. C'est également dosa. Le sotapanna ne peut pas éliminer patiga dosa. L'esprit d'une personne qui médite n'est pas aussi grossier que l'esprit d'un putujana, d'un être ordinaire. L'esprit du putujana est très pollué, constamment envahi par loba, dosa et moha. Mais lorsqu'on devient un sotapanna, l'esprit va s'adoucir, il ne sera plus aussi grossier et vulgaire. Vous pouvez le constater par vous-même. Vous qui êtes ici et qui pratiquez, vous pouvez voir que votre esprit est calme. Vous êtes attentif, composé. Vous mesurez vos actes et vos paroles, parce que vous êtes conscient à chaque instant de ce que vous vous apprêtez à faire, à dire ou à penser. Mais si nous ne sommes pas attentifs, lorsque nous nous apprêtons à parler, à faire quelque chose, nous ne réalisons pas que ces choses peuvent parfois être négatives. Inconsciemment, on tue les animaux, on se prend pour quelqu'un. Mais vous qui êtes ici, vous êtes très attentifs, et même ceux qui vous regardent de l'extérieur sont inspirés par votre comportement. Leur cœur s'adoucit. Si vous persévérez dans votre pratique des quatre établissements de l'attention, vous vous donnez une chance d'atteindre le deuxième stade d'illumination, Sakatagami. Le Sakatagami, c'est une personne qui ne revient plus qu'une seule fois dans le plan humain. Dernier plan d'existence, il va atteindre l'état d'Arhat. Mais même quelqu'un qui atteint ce deuxième stade d'illumination, Sakatagami, n'a pas encore réussi à éliminer les Samyojana. Il a simplement atténué Kama Raga, le désir sensuel, et la colère. Le Sakatagami sait que le désir et que la colère sont des choses négatives. Mais ils savent également qu'ils n'ont pas encore les qualités pour les éliminer complètement. C'est un petit peu comme si on regardait dans un puits. Au fond du puits, on peut voir l'eau, mais vous ne pouvez pas l'atteindre avec votre main. De la même façon, vous voyez le désir qui apparaît dans votre esprit grâce à votre attention, mais vous ne pouvez pas encore l'éliminer, ni la colère. Vous voyez que lorsque le désir s'infiltre dans votre esprit, vous n'êtes plus calme. Vous voyez que lorsque la colère ou le mécontentement s'infiltre en vous, vous n'êtes plus calme. Mais vous comprenez qu'il n'est pas encore possible pour vous d'éliminer ni le désir ni la colère. Vous savez comment les gérer parce que vous avez atteint le premier stade d'illumination et vous avez compris qu'il fallait les gérer par l'attention. Donc le Sakadagami n'a pas encore réussi à éliminer ces deux samyojana, le désir et la colère. Il réussit simplement à les diminuer, à les atténuer. Vient ensuite le troisième stade d'illumination, Anagami. L'anagami, c'est celui qui ne revient plus jamais dans le monde humain. Il a complètement éliminé Kamaraga Samyojana et Patiga Samyojana. Il n'y a plus aucune trace de colère en lui, aucune trace de désir sensuel. Il est capable de tout accepter. Du temps du Bouddha, il y avait un Uposaka du nom de Visakha. Il faut savoir que Uposaka c'est un homme, Upasika c'est une femme. Cet homme s'appelait donc Visakha et sa femme portait le même nom. Cet homme Visakha écoutait volontiers les enseignements du Bouddha et il atteint l'état de Sotapanna. Étant devenu un Sotapanna, il se rendait très souvent au monastère pour écouter les enseignements du Bouddha. Ainsi, après quelque temps, il atteint l'état d'Anagami. Lorsqu'il retourna chez lui, après avoir atteint l'état d'Anagami, sa femme l'attendait comme d'habitude. Mais il ne la regarda pas, il ne la salua pas, il ne se comportait plus comme il avait l'habitude de le faire. Sa femme se demanda pourquoi il ne la regardait pas, pourquoi il ne la saluait pas comme avant. Il était très sérieux, il gardait le regard dirigé vers le bas. Serait-il fâché, pensa-t-elle. Comme l'homme ne lui dit rien pendant quelques jours, elle finit par lui poser des questions. La femme lui demanda donc « Aurais-tu trouvé une autre femme ?»« Non, lui répondit son mari, je n'ai pas d'autre femme. Depuis que j'ai entendu l'enseignement du Bouddha, ce genre de désir n'est plus en moi. Si tu veux, tu peux me quitter et trouver un autre homme. » Si tu le souhaites, tu peux prendre tous nos biens, je te les donne. J'accepterai simplement ce que tu voudras bien me donner. Et si tu continues à vivre dans cette maison, je te considérerai comme ma sœur. La femme lui demanda alors, « Ce dhamma que tu as entendu, est-il réservé aux hommes? Les femmes peuvent-elles le pratiquer ?» Oui, bien sûr, lui répondit Visakha, ce dhamma est pour tout le monde, les femmes, les hommes, les moines, les moniales. La femme eut alors un fort désir de se faire bhikkhuni. Elle demanda à son mari la permission de se faire bhikkhuni, de se faire ordonner nonne, et l'homme fut très heureux, lui accorda la permission et l'envoya dans un monastère. Donc, Visakha envoya sa femme dans un monastère et il le fit, comme on le fait encore toujours en Inde, lors de mariages, de grands mariages, avec une procession et des tambours. Il était très heureux que sa femme veuille devenir une bhikkhuni. La femme devint donc une bhikkhuni, elle pratiqua et finalement elle atteint l'état d'arhat. Un jour, le mari, l'ex-mari, voulut la tester et voir si elle était heureuse en tant que bhikkhuni. Il lui posa toutes sortes de questions auxquelles son ex-femme put répondre très facilement. À un moment, le mari posa à son ex-femme une question qui en réalité le dépassait. Sa femme, Dame Adina, comprit que la question n'était pas juste et elle le lui dit. C'est de cette façon que le mari avait testé son ex-femme. Tout ceci veut dire, c'est que lorsqu'on atteint l'état d'anagamie, on met fin définitivement et complètement à Kamaraga Samyojana et à Patiga Samyojana. Nous avons parlé jusqu'à présent de 5 Samyojana. Sakaya Ditti Samyojana, Visikicha Samyojana, Silapada Paramata Samyojana, Kamaraga Samyojana et Patiga Samyojana. Il en reste encore 5. Ruparaga, Ruparaga, Aruparaga, Aruparaga, Mana, Mana, Udacha, Udacha, Vaicha, Avicha. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as it really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.